Le film Caché est un film français qui a été réalisé par le réalisateur, cinéaste, scénariste autrichien Michel Haneke, âgé aujourd'hui de 74 ans. Il est sorti en octobre 2005. Il a été primé trois fois, au Festival de Cannes en 2005 pour la mise en scène, au Festival des Lumières de la presse étrangère en 2006 pour le meilleur scénario et au Festival des Étoiles d'or de la presse du cinéma français en 2006 pour l'Étoile d'or du scénario. Il a également été nominé 13 fois pour d'autres festivals. Georges Laurent vit paisiblement avec sa femme Anne et son fils Pierrot à Paris. Il est journaliste littéraire. Un jour, la famille reçoit une cassette anonyme où l'on peut voir leur appartement, filmé de la rue d'en face. Au début, il pense que c'est une blague d'un camarade de Pierrot. Mais au fil du temps, les cassettes deviennent de plus en plus étranges et elles sont également accompagnées de dessins étranges. Par la suite, les cassettes anonymes vont donner des indices sur l'enfance de Georges. Georges va donc soupçonner Magie, qui étant plus jeune, devait être adoptée par ses parents. Mais cela n'a pas eu lieu en raison de la jalousie de Georges. Magie a par la suite été envoyée à l'orphelinat. Georges pense que Magie et son fils sont les auteurs des cassettes. Mais Magie nie tout et finit par se suicider sous la présence de Georges. Son fils nie les accusations également. À la fin du film, le réalisateur laisse la question ouverte de qui est l'auteur de ces cassettes. Mais on peut soupçonner Pierrot et le fils de Magie, car dans la dernière scène, on peut observer que les deux discutent d'une chose qui reste pour le spectateur inconnue. Mais on peut également soupçonner une autre personne. La fin laisse place à l'imagination du spectateur. La première séquence choisie est celle lorsque Georges se rend pour la première fois chez Magie, après avoir obtenu une cassette avec un indice qui mène à son appartement. L'ambiance est relativement bizarre, car Magie reconnaît directement Georges, alors qu'inversement, Georges fait semblant que non, alors que d'après son expression, il dirait plutôt que lui aussi l'a reconnu. Magie emploie directement le « tu », alors que Georges reste sur le « vous ». On dirait que Georges ne veut pas se souvenir de Magie, car cela lui rappelle probablement de mauvais souvenirs, ou peut-être même des reproches qu'il se fait à lui-même. Lorsqu'on avance un peu plus dans le film, on apprend que c'est à cause de Georges que Magie a été envoyée à l'orphelinat. La deuxième séquence choisie, lorsque Georges se rend pour la dernière fois chez Magie suite à un appel de celui-ci. Lorsqu'il arrive chez lui, tout va relativement vite. Magie sort un couteau de sa poche et dit « Je voulais que tu sois là ». Sans hésiter un seul moment, il se tranche la gorge. Le film est toujours plus ou moins monotone et cette scène va remuer le film et peut éventuellement choquer car c'est un acte non attendu. Je pense que ces deux séquences sont importantes car elles montrent l'évolution de l'histoire qui débute avec de simples cassettes et se termine avec une scène dramatique sans que l'on sache qui est ou qui sont le ou les auteurs des cassettes.